famille, je l'ai rencontré dans la foule d'un rassemblement d'extrême droite. Pas de tatouage, classe un corps comme une athlète. D'après la façon dont elle se comportait, je savais qu'elle voulait un fasciste, pas un PD hipster, elle voulait un fasciste. D'après la façon dont elle se comportait, je savais qu'elle voulait un fasciste, fasciste. Notre temps tous faibles, elle voulait un fasciste. D'après la façon dont elle se comportait, d'après la façon dont elle se comportait, je savais qu'elle voulait un fasciste, fasciste. Je roule dans le Reich, j'empoisonne les feuges. Espace vital pour les blancs, j'empale les kebabs. Fraîchement sorti de la brasserie, je monte au sommet là pour sortir les ordures, faire baisser la criminalité. Monté en grade, j'exécute un juif à la longue chinks pour une nation 100% blanche en banco négro. Je tourne en rond comme un chasseur touka. Je viens d'Autriche, patrie du chef originel Hitler. Ils s'en prennent à ma race, je creuse des fosses communes. Je vide mon arme automatique, je leur tire en pleine tête. Fesse, je vis en mode facho, croix de fer, costume Hugo Boss. Debout dans la Mercedes, je fais le salut romain. Pour l'un a du potentiel, on pourrait former une famille. Je l'ai rencontré dans la foule d'un rassemblement d'extrême droite. Pas de tatouage, classe un corps comme une athlète. D'après la façon dont elle se comportait, je savais qu'elle voulait un fasciste, pas un PD hipster. Elle voulait un fasciste. D'après la façon dont elle se comportait, je savais qu'elle voulait. D'après l'intent tous faibles, elle voulait un fasciste. D'après la façon dont elle se comportait, d'après la façon dont elle se comportait, je savais qu'elle voulait un fasciste, fasciste. Retour sur la scène, impeccable et net. Le logo de la croix gammée fait mouiller les gauchos. Je rassemble tous les juifs, homosexuels, trans, pédophiles. Je fais ça comme dans les années 40, je laisse les corps s'empiler. Ils veulent pas partir, ils n'auront même pas besoin de cercueil. Appelle-moi génocide blanc, je change la démographie. Fini les dégénérés, tapettes marxistes et féministes. Entends mes bottes de cuir frappées, elles font peur à mes ennemis. J'adore enfoncer les portes, oui. Je traque les communistes comme un pro. Toutes les filles sexy savent que les corps tombent. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. On en a du potentiel, on pourrait former une famille. Je l'ai rencontré dans la foule d'un rassemblement d'extrême droite. Pas de tatouage, classe un corps comme une athlète. D'après la façon dont elle se comportait, je savais qu'elle voulait un fasciste, pas un PD